Vas-y, Edek, ça part de là. Chaud, le vélodrome. N'hésitez pas à chanter, danser avec moi. C'est jour de fête, on se régale, hein. Merci. On reprend le souffle un peu. Merci à tout le monde d'être venu déjà. Merci beaucoup, vous régalez pour le frérot. Ça fait tarpin plaisir, je veux du bruit là s'il vous plaît. Je veux plus vous entendre s'il vous plaît, il entend le frérot. Ouais, je pense que c'est reçu là, c'est carré. Ah, je voulais dire une petite phrase. Parce que le frérot, c'est un bon, de ouf. Ça fait trop plaisir d'être là. Profitez de ça avec vous. C'est un truc de fou. Merci l'équipe, en plus à la maison comme ça au vélodrome. Et merci. Allez. Allez, c'est parti.